Man. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 13 novembre 2020. Voici les grands titres de cette grande édition. Le président de l'Association des industriels du Burundi annonce que le troisième salon industriel au Burundi aura lieu du 17 au 19 décembre cette année. Olivier Suguru fait remarquer que le déficit énergétique ainsi que l'insuffisance des devises restent des défis à surmonter. Un nombre variant entre 30 à 150 hommes utilisent la vasectomie comme méthode contraceptive depuis 2011. Mais de fausses informations et le manque de sa vulgarisation constituent des freins à son développement. Au Burundi, vous l'entendrez. Et environ 250 cas de grossesse en milieu scolaire ont été répertoriés en province Mwaro au cours des trois dernières années scolaires. Une campagne d'éradication de ce phénomène a été lancée ce jeudi dans le programme Menyumenyeshe de l'ONG Cordate au chef-lieu de la commune Kayokwe dans cette province de Mwaro. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour. Environ 250 cas de grossesse en milieu scolaire ont été répertoriés en province Mwaro au cours des trois dernières années scolaires. Le gouverneur de la province Mwaro dit que les jeunes scolarisés et non scolarisés n'ont pas suffisamment d'informations en rapport avec la santé de la reproduction. Une campagne d'éradication de ce phénomène a été lancée ce jeudi dans le programme Menyumenyeshe de l'ONG Cordate au chef-lieu de la commune Kayokwe de cette province. Laurent Dikuriyo. En province Mwaro, depuis l'année scolaire 2017-2018 jusqu'au cours de l'année scolaire 2019-2020, 249 cas de grossesse en milieu scolaire ont été inventoriés. Le gouverneur de la province Mwaro, colonel Gaspard Gassanzwe, dit que les jeunes scolarisés et non scolarisés n'ont pas suffisamment d'informations avec la santé sexuelle et reproductive. Il indique que cela a comme conséquence les grossesses précoces, ce qui entraîne des cas d'abandon scolaire. Certaines filles sont discriminées dans leur famille, tandis que d'autres contractent le mariage précoce. Il précise que l'ONG Cordaid a organisé depuis plus de 4 ans des séances de sensibilisation à l'endroit des jeunes scolarisés en rapport avec la santé sexuelle et reproductive, mais que la tâche reste à faire. Il indique que ce programme dit Menyumenyeshe de l'ONG Cordaid se clôture avec le mois de décembre prochain. Il demande ainsi aux autorités scolaires de cette province ainsi qu'aux élèves de s'approprier des enseignements donnés. Ni Magali Segoret, superviseur de l'ONG Cordaid en province Moranza et Mwaro, dit que de telles séances de sensibilisation permettent une diminution du nombre de cas de grossesse en milieu scolaire et conseille aux jeunes filles scolarisées de s'atteler au travail scolaire et d'éviter toute tentation pouvant les entraîner à la débauche. Le médecin directeur du district de Kibumbu, Emile Nzoisaba, conseille aux jeunes élèves de ne pas négliger les enseignements reçus en cette matière pour être utiles au pays dans l'avenir. De moi, Laurent Dikuriyo, Radio Isanganiro. Merci Laurent Dikuriyo. On parle toujours éducation. Près de 4600 lauréats qui ont réussi à l'Exeta édition 2019-2020 avec un pourcentage compris entre 50 et 64% sont orientés dans différentes filières à l'Université du Burundi. François Vyarimana, recteur de cette université, l'a déclaré ce vendredi. Il ajoute que 1193 candidats ont été retenus pour le programme de master dans différentes facultés. Suivez-le. Il convient de préciser que ceux qui étaient autorisés à se faire inscrire devaient au moins avoir 50% à l'examen d'état pour la section mathématiques, physique et technologie. Deuxièmement, 59% pour les sections biochimie, sciences de la terre, les sections pédagogiques et économiques, langues, sciences humaines et sociales. Et troisièmement, 64% pour les autres sections. Les résultats de ce processus d'orientation sont alors les suivants. 4597 ont été orientés de la manière suivante. Premièrement, 3507 ont été orientés dans les filières qu'ils ont eux-mêmes choisies, soit un taux de 76,29%. 1090 ont été orientés dans les filières qu'ils n'ont pas choisies, soit un taux de 23,71%. Les lauréats des éditions antérieures à 2019 s'élèvent à 258. Ils ont tous été orientés. Une autre précision. et que ces orientations sont déjà affichées au campus Rohero à la direction des services académiques. Elles seront affichées dans les campus de l'intérieur du pays dès son lundi le 16 novembre 2020, c'est-à-dire au campus centre vétérinaire à Gitega, au campus Nyamugerera en commune Musigati de la province Bubanza et au campus Buhumuza en province de Changuzu. Nous portons à la connaissance de ces futurs étudiants que les notes minimales exigé pour être orienté dans telle ou telle autre faculté sont aussi affichés aux mêmes endroits. Les recours éventuels devront être adressés par écrit au recteur de l'Université du Burundi avec copie au directeur des services académiques. La période de recours est fixée du 16 au 20 novembre 2020. Concernant le concours d'admission au master, au total 1480 candidats avaient été retenus pour passer le concours dans 19 programmes de master organisés à l'Université du Burundi. Ces candidats sont des détenteurs du diplôme de baccalauréat ou équivalent, lauréat de l'Université du Burundi, mais aussi d'autres universités, tant publiques que privées de notre pays, voire même des universités étrangères. Après concours, les candidats ont eu l'occasion de consulter leur copie corrigée et d'introduire éventuellement un recours. Après recours, et tenant compte de la capacité d'accueil et d'encadrement de chaque programme de master, nous avons décidé de retenir 553 candidats, soit un taux de 46,3%. C'était le recteur de l'Université du Burundi. Et certains parmi ceux qui ont des litiges pendant la Commission nationale des terres et autres biens en commune et province de Rumonge se lamentent que cette commission n'exécute pas les décisions prises. Ils se réfèrent à la récente campagne d'exécution des décisions au cours de laquelle certaines décisions datant de plusieurs années n'ont pas été exécutées sans motif valable. Selon eux, le porte-parole de la CNTP dit que des motifs comme une opposition expliquent la non-mise en application de ces décisions. Jean-Pierre Misago. Certains parmi les rapatriés qui se lamentent brandissent des décisions de la Commission nationale terre et autres biens, des décisions datant d'une à 12 ans. Mais ces décisions n'ont pas été exécutées dans la semaine du 2 au 6 novembre courant, comme annoncé par la CNTB, malgré ses descentes sur le terrain, regrette ses rapatriés dans une correspondance envoyée au gouverneur de Rumonge pour solliciter son intervention. Les signataires de cette correspondance accusent la CNTB d'hésiter dans la mise en application de certaines de ses décisions, et cela pour des raisons non avouées. Et selon ces rapatriés, certains membres de la CNTB auraient même des litiges avec certains habitants de Rumonge et ne peuvent dans ces conditions être en même temps jugés partis. Dieudonné Mbonima, porte-parole de la CNTB, dit que ceux-là qui se lamentent sont sous-informés. Il indique que la CNTB a mis en exécution près de 100 décisions à Rumonge au courant de la dite semaine, et les quelques décisions non exécutées sont celles où les membres de la CNTB se sont heurtés soit à une opposition, soit à un recours déjà introduit, soit la décision n'était pas encore signifiée à toutes les parties. Le porte-parole de la CNTB conseille toute personne qui se croit lésée de se confier directement au président de la CNTB, disponible tous les jours. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Cap maintenant sur Kirundo. Plus de 9000 ménages ainsi que 4 centres de santé et 7 écoles des communes Nhega et Vumbi en province Kirundo vont bénéficier de l'énergie solaire à travers le projet Umucho Witerambere financé par l'Union européenne. Ce projet sera aussi exécuté dans les provinces de Kayanza et Ngozi avec un budget de plus de 4 millions d'euros. Lors de son lancement officiel ce jeudi, le conseiller économique du gouverneur à Kirundo a sollicité la bonne collaboration avec les administratifs à la base ainsi que les services techniques pour bien atteindre les résultats attendus. Abraham Safari pour les détails. Les collines qui ont été ciblées sont au nombre de 10, 7 de la commune de Nega et 3 de la commune de Vumbi, comme l'a signalé ce jeudi le chef du projet Umuco w'Iterambere, David Mariani. Ce projet veut renforcer la résilience des populations de la province de Kirundo par l'utilisation de l'énergie rurale. Il a ajouté que les 10 collines ont été choisies comme éloignées par rapport aux autres et où il n'y a aucun projet envisagé d'électrification jusqu'en 2030. Ainsi, plus de 9000 ménages composés d'environ 55 000 personnes auront des panneaux solaires ainsi que 4 centres de santé et 7 écoles. 7 stations multiservices seront installées pour l'accès à l'électricité aux petites entreprises. En outre, 4 950 ménages auront accès aux foyers améliorés pour préserver l'environnement et 3 600 ménages auront accès aux produits solaires. Il y aura également 40 personnes qui seront formées et appuyées pour l'accès à l'emploi et 20 techniciens. Quant au conseil économique du gouverneur, ainsi que les représentants des administrateurs des communes choisies, ils ont tous salué l'initiative du projet. Madame Françoise Nzomita, conseillère économique du gouverneur de la province de Kirundo, a demandé la bonne collaboration avec l'administration de base ainsi que les services techniques afin d'arriver à leur objectif. Que ce projet qui couvrira les provinces de Kayanza, Ngozi et Kirundo est financé par l'Union européenne sur un budget de 4 100 000 euros. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Je l'avais annoncé dans les titres, annonce ce vendredi par le président de l'Association des industriels du Burundi du 3e salon industriel qui aura lieu du 17 au 19 décembre cette année. Lors d'une conférence de presse, Olivier Suguru a fait savoir que cette association contribue à hauteur de 17% du produit intérieur brut et emploie 2% de la population. Il a également fait remarquer que le déficit énergétique ainsi que l'insuffisance de devises restent des défis à surmonter. Les détails avec Mireille Kanyang. Lors de cette conférence de presse ce vendredi, le président de l'Association des industriels du Burundi, AIB, a précisé que le taux de contribution de cette association dans le PIB, qui est de 17%, devrait augmenter. On ne doit pas perdre de vue que ce salon intervient au moment où le monde entier est secoué par une grave pandémie, le COVID-19, qui paralyse de nombreuses activités économiques, y compris celles de l'industrie burundaise. Le secteur de l'industrie est d'une grande importance économique de par sa contribution substantielle dans la production intérieure, la création d'emplois, l'accroissement des revenus de la population et la réduction de la pauvreté. Pour rappel, l'industrie burundaise représente 17% du produit intérieur brut et emploie environ 2% de sa population. Ce troisième salon industriel au Burundi arrive au moment du Covid-19. Malgré ce souhait d'augmentation de ce taux de contribution dans le développement du pays, les industriels du Burundi se heurtent encore à des défis relatifs notamment à l'énergie électrique, précise encore le président de l'AIB. Parmi les obstacles que nous avons pour le développement industriel, il y avait le déficit énergétique. La situation a beaucoup amélioré puisque nous avons du courant de l'énergie en temps plein, il n'y a plus de perturbations et vous le savez vous-même, vous vous rendez compte même qu'il n'y a plus de déstage. Cependant, nous avons du courant qui n'est pas stable, nous avons du courant qui n'est pas de bonne qualité. Quand on a voulu savoir ce qui est juste, la régie des eaux nous a informé que ces perturbations sont liées au transport du courant, mais ils nous ont promis qu'il y a des projets qui sont en cours pour rénover et remplacer ces câbles qui sont vétustes. Pour que ces industries fonctionnent, elles ont besoin de devises pour l'importation de la matière première, mais cela pose encore problème, répond-il. Lors de cette conférence de presse, Olivier Suguru a en outre indiqué que la politique nationale d'industrialisation sera mise en œuvre avant la fin de l'année fiscale 2020-2021. Merci Mireille. Un nombre variant entre 30 et 150 hommes utilisent la vasectomie comme méthode contraceptive depuis 2011. Cela est annoncé par la directrice exécutive de la BOUBF en marge de la Journée internationale de la vasectomie célébrée tous les 13 novembre. Docteur Donavino Wimana ajoute que le manque de vulgarisation et les fausses informations sur cette méthode contraceptive constituent un frein à son développement au Burundi. Suivez-la, elle s'entretient avec Armel Motori. La L'association burundaise pour le bien-être familial a introduit la vasectomie en 2011. À ce moment, nous avons d'abord évalué l'acceptabilité en interrogeant les hommes et nous avons formé les médecins. Les équipes médicales, ce sont des médecins et des infirmiers qui doivent expliquer. Depuis ce moment, nous avons environ entre 30 et 150 hommes qui acceptent la vasectomie chaque année. Ça, c'est au niveau des centres d'eau à Boubef. Mais si on regarde les statistiques nationales, au niveau du programme de santé de la reproduction, on aura des chiffres plus importants parce que la vasectomie n'est pas seulement disponible au niveau des centres de la Boubef, elle est aussi disponible dans les hôpitaux. Vu l'effectif, on voit que le nombre d'hommes qui adoptent cette méthode contraceptive est inférieur. Quels sont les freins qui empêchent l'adoption, l'adhésion à cette méthode contraceptive? Nous pensons que même si la vasectomie est disponible depuis 2011, elle n'a pas peut-être été assez vulgarisée. Ça veut dire qu'il y a pas mal d'hommes et de femmes qui ne savent pas que cette option contraceptive existe au Burundi. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que cette technique est aussi mal connue. Il y a beaucoup de rumeurs et de fausses informations qui circulent au niveau de la communauté, faisant croire que la vasectomie est une castration, alors que la vasectomie, c'est une opération qui consiste à la ligature des canaux déférents. Les testicules restent en place, la fonction sexuelle reste normale. Les autres fausses informations qui circulent, c'est de faire croire aux hommes qu'après la vasectomie, ils peuvent attraper des maladies à long terme ou qu'ils perdent leur masculinité, alors que ce n'est pas le cas. Donc, ça peut être des freins. Et il y a aussi les barrières culturelles, parce que vous savez qu'au Burundi, la question de la reproduction, c'est comme si c'était seulement une affaire des femmes. Donc les hommes, la plupart des temps, ne se sentent pas impliqués. Et quand on regarde le profil des hommes qui font la vasectomie chez nous, c'est souvent des hommes qui ont déjà beaucoup d'enfants, ce qui montre que souvent les hommes font recours à la vasectomie quand il y a déjà des problèmes ou quand la femme a déjà essayé toutes les options. Nous voudrions que aussi bien l'homme que la femme soient impliqués au niveau de la planification familiale et que tous les hommes sachent que ce n'est pas seulement la femme qui doit utiliser les contraceptifs quand ils veulent planifier les naissances, que l'homme aussi a des options qu'il peut utiliser qui sont disponibles au niveau national. Et en bref, en actualité nationale et internationale, une personne morte foudroyée sur la colline Nyamurunga, des champs de culture et même des arbres endommagés par la grêle sur les collines Kanyinya, Mabanza et Banda. Tels sont les dégâts occasionnés par des pluies orageuses mêlées de grêle tombées sur ces collines de la commune de Buyengero en province de Rumonge. L'après-midi de ce jeudi, l'administration locale appelle tout âme charitable à venir en aide aux victimes de ces intempéries. Et le manque de personnel et des appareils appropriés sont certains défis observés dans le secteur de l'imagerie médicale. Didier Ndabigengesere, représentant légal de l'Association burundaise des professionnels en imagerie médicale, l'a dit ce vendredi après l'atelier de validation d'une enquête menée sur l'imagerie médicale au Burundi. Il demande au gouvernement d'instaurer une réglementation sur la radioprotection pour empêcher et réduire les risques liés au rayonnement ionisant. Et la lutte contre la consommation des drogues et des boissons prohibées nécessite un travail en synergie avec les organisations œuvrant dans ce domaine, d'après Albert Mbonerané, lors d'une réunion de sensibilisation des administratifs et agents de sécurité sur la lutte contre les boissons prohibées et stupéfiants. Une réunion organisée ce vendredi par deux organisations. Les participants ont souhaité que la boisson appelée Karibou soit interdite de vente dans le pays. Et en actualité internationale, l'Organisation des Nations Unies a demandé ce vendredi 13 novembre une enquête indépendante sur les nombreux civils qui auraient été tués dans la région du Tigré en Éthiopie, où le pouvoir fédéral a lancé une opération militaire évoquant de possibles crimes de guerre. Et la France a annoncé ce vendredi la neutralisation au Mali par la force Barkhane de Baag Moussa, un cadre opérationnel djihadiste de tout premier plan lié à Al-Qaïda, dont nous avons été associés ces dernières années à de nombreuses attaques dans la région. Enfin, la disparition soudaine de l'ancien président Jeremiah John Rawlings a touché de nombreux Ghanéens. Son influence de dirigeant et ses 8 années de pouvoir entre 1993 et 2001 ont marqué profondément le pays. Un journaliste assure que c'est une évolution qui lui avait permis de devenir un dirigeant apprécié sur la scène internationale.